Ce monde court à sa perte. C'est les autres. Je pose un regard lucide sur ce monde et qu'est-ce que je vois? À part des jeunes qui dealent, des agressions, des vols de survoi, des sans-domicile pointés du doigt. Chaque jour on côtoie la misère dans les villes comme celle donnée sous bois. Et pour pas que ça s'empire, je touche du bois. À détruire tout ce qu'on m'a envie, les conséquences d'un monde de dieux, voire d'un monde fou. Fourbe leur argent nous sous-doit. On veut le quitter, mais pour être qui dit de combien on vous doit et pourquoi? C'est dur d'avancer dans nos couloirs aux couleurs sombres. J'exprime ma rage, mon seul défouloir. Avec l'État, suffit pas de vouloir pour pouvoir, car le pouvoir les a rendu impossible à émouvoir. Et traiter avec ces gens-là, c'est comme se mouvoir dans des sables mouvants, ouvrant la porte d'un monde de cauchemars. C'est triste, les gens qui suivent cette voie se retrouvent sans armes et finiront leur jour à l'asile psychiatrique de soldats. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir un seul les hommes contre cette terre pour que l'on déclenche l'alerte. Ce monde court à sa perte, témoin de guerre de l'arme de nos frères. On sort les armes, faut croire qu'on a peur et n'a peur. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir ce que le mal nous apporte pour plus grand nous âmes à perdre. Ce monde court à sa perte. Chez qu'on se répète, mais faut qu'on le dise. Ce monde court à sa perte. J'espère que sa peine, vous l'avez compris. Ce monde court à sa perte, de toute façon, tout était écrit. Donc ne t'en fais pas perdre, je n'ai que faire de tout leur mépris, j'avance. Ma cadence à mon allure, malgré ses crimes. Ce n'est que de la paix, de l'amour qui en moi s'exprime, déprime. Pas trop frollo quand t'allumes la télé. Ce monde est fêlé, la foi de l'homme est mise sous scellé. Et les bonnes actions, vas-y fêlé. Même s'il y aura toujours quelqu'un pour te freiner. Ne laisse pas ta passion devenir une traînée craignée. Plutôt ceux qui viennent avec beau discours et programme. Car souvent des têtes de serpents se cachent sous leur peau d'âne. La jalousie, je condamne l'hypocrisie, je combats. Qu'on soit clair et net, c'est la joie que je convoite. Qu'on soit ici ou ailleurs, c'est la même chose. Des sages poètes de la rue se battent pour la même cause. Jusqu'à la mort, toujours la même dose d'injection de mots pour ta mémo. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir que les hommes font cette terre pour que l'on déclenche l'alerte. Ce monde court à sa perte, témoin de guerre de l'arme de nos frères. On sort les armes, faut croire qu'on a peur et n'a peur. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir ce que le mal nous apporte pour plus grand nous âmes à perdre. Ce monde court à sa perte. Chez qu'on se répète, mais faut qu'on le dise. Ce monde court à sa perte. J'espère que sa peine, vous l'avez comprise. Dieu, je t'écris cette lettre, prends-la comme une prière que je t'envoie par ma fenêtre pour que demain ne soit pas pire qu'hier. Je sais que nos galères pour toi sont des épreuves, mais certaines peuvent bousiller nos rêves. Regarde, ce monde en est la preuve. Et on a fait hormis tout un tas de belles choses. Trop de gens déviés de leur chemin, car c'est le diable qui t'a plus belle pose. Pourquoi tout change, même la beauté quand ce pas de la rose? Ici, la petite maison dans la prairie n'est plus qu'une maison close. Maison close. Les raisons flanchent quand elles voient tant de trucs odieux. Je crois comprendre pourquoi on peut t'appeler Dieu, le miséricordieux. Mais malgré ça, t'inquiète en toi, je garde la foi. Il en faut plus pour me stopper au pour mes gars. C'est de ta voix, car tout ce que je veux, c'est juste un avenir meilleur pour mes prochains. Je préfère te l'écrire maintenant, qui sait, je suis peut-être le prochain. Et j'y peux rien, c'est dans l'avenir, je me projette. Et si j'ai peur, ouais, parce que ce monde court à sa perte. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir ce que les hommes font de cette terre pour que l'on déclenche l'alerte. Ce monde court à sa perte, témoin de guerre de l'arme de nos frères. On sort les armes, faut croire qu'on a plus rien à perdre. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir ce que le mal nous apporte pour plus grand nous âmes à perdre. Ce monde court à sa perte, chez qu'on se répète, mais faut qu'on le dise. Ce monde court à sa perte, j'espère que sa peine vous l'avez compris. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir ce que les hommes font de cette terre pour que l'on déclenche l'alerte. Ce monde court à sa perte, témoin de guerre de l'arme de nos frères. On sort les armes, faut croire qu'on a plus rien à perdre. Ce monde court à sa perte, il suffit de voir ce que le mal nous apporte pour plus grand nous âmes à perdre. Ce monde court à sa perte, chez qu'on se répète, mais faut qu'on le dise. Ce monde court à sa perte, j'espère que sa peine vous l'avez comprise. Injection verbale. Bénin, Baxao, Negis. Zlizoxi. Tu l'as dit. Ce monde court à sa perte. Aïe, aïe, ça.